Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct ensemble ou directement de vos ondes, de votre radio dans vos oreilles, de peu importe. Pour cette semaine-là, et on va avoir un paquet de bonne musique parce que on est là pour 3 heures avec le top 20 francophone et le top 20 anglophone. Ok, oui. Extraordinaire. Assez fou, merci. Ah, ben, Colin, c'est comme si t'avais essayé d'insérer le nom de la station. C'est malade, tout ça. La semaine passée, le numéro 1 était du côté anglophone de Pac 80 avec So What. Et du côté francophone, eh bien, c'était Chocolat avec Ah ouais. Hein? On va savoir ça si la fin, si ça tient toujours au sommet. On a quelques nouvelles entrées avant ça. J'en compte 7. Du côté anglo, plus tard, il y aura The Darcy's, Elephant Stone ainsi que The Toffees. Et du côté francophone, eh bien, 4 nouvelles entrées. Catherine Durand, Claude Pelgag qui revient, Mordicus et Gasoline aussi qui revient. Oh, plein de retours, c'est cool ça. Oh oui, on aime ça. Commençons par les positions numéro 20. Du côté anglophone, une nouvelle entrée de The Toffees. Je n'ai pas encore entendu ce groupe-là. Moi non plus. Mais ça me donne faim. Ça a l'air sucré. Mm-hmm, c'est vrai. Avec Go Down in Style. Et du côté francophone, eh bien, la 20e, c'est Gasoline avec leur nouvelle pièce, oui. L'amour véritable est aux rebelles. Hey, ça a un bon pièce. OK, oui, c'est ça un bon pièce. Ça va être une très bonne émission. Oh, oui! Pas de reste, c'est fou! Ouais, c'est fou 89 FM! me going down in style. She got me going down in style. She got me now. She got me now. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. She got me going down and I don't think I can take this all night. She's pulling me down to the floor with a little style. Stand up, it's no time to buy. You wanna show these balls, y'all, man. Now you gotta hit them between the eyes. Cause in this game, there's no place for second prizing. Oh, baby, I know you got the will, but you got the heart to make the kill. In this world, there's no selling out. It's just giving the people what they want, yeah. Yeah. nouvelle entrée. Ça fait du bien de réentendre dans The Elephant. Il n'y a pas d'article. Il n'y a pas de date. C'est juste. Ouais, c'est mêlant aujourd'hui. Je vais vous raconter ça tantôt. Donc, Elephant Stone avec la pièce See the Light. C'est la position numéro 19. Et ça, Elephant Stone, c'est un groupe de indie rock canadien avec Rishi Dhir, anciennement de The High Dials. Ils incorporent de la musique indienne un petit peu avec sitar, tabla, dilruba dans du rock psychédélique de l'Ouest occidental. Et tout juste avant ça, on a entendu Mordicus et la DJ, c'est la 19e place francophone. Mordicus, c'est un band qui a été formé au Saguenay en 2010. On parle aussi de leur nouvel album qui est Edgar Allan Pop, parce que bien évidemment, on fait de la pop, mais de type très, très rock. Puis on parle aussi d'Edgar Allan dans le titre de l'album, parce qu'on souhaite justement retrouver ces fameux... c'est un peu sombre, ouais, du Edgar Allan Poe. Oui, exactement, ouais. C'est ce qu'on veut retrouver dans le CD, dans le nouvel album. Génial, avançons en 20e place anglophone, nouvelle entrée de Toffees, sans le de lui aussi, avec Go Down in Style. C'est un simple, et les Toffees, ben, c'est un groupe de rock britannique avec Milton Keynes, qui a formé ça en 2013. Depuis ce temps, ils ont fait un paquet de tournées au Royaume-Uni. Ils ont été comparés à Muse, Kasabian, Osher, James Bay, avec leur racine dans le rock et le R&B. Et du côté francophone, on a commencé tout ça avec L'amour véritable est aux rebelles du band Gasoline. Le band Gasoline qu'on a déjà eu au palmarès francophone. Band de Montréal qui a été en nomination deux fois en 2014, entre autres pour Album Rock de l'année et aussi pour French Emerging Artist. Eh ben, regarde-moi là. Eh ben ouais. Il reste encore trois nouvelles entrées, donc allons entendre plus tard Catherine Durand ainsi que Darcy, The Darcy's. Lui, un de... c'est ça l'affaire. OK, je voulais c'est t'expliquer ça, tantôt. Oui. OK. Dans les palmarès, c'est écrit Darcy's, mais c'est The Darcy's. C'est marqué The Toughies, mais c'est Toughies. Fait que oui. Je suis un petit peu mêlé dans les articles. Qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y en a pas. C'est difficile. On va se démêler. On va se démêler. Donc, je disais tantôt Catherine Durand et The Darcy's. Mais on commence tous avec Clopelgag et les Ferrofluid Fleurs. Oui, tout de suite dans les palmarès, c'est fou. 89 FM. It's only San Diego, 1988, and we could go all the way down to Mexico, and we could go and drive the night through, follow the interstate, there's no reason to wait, no reason to wait. entrée. Mon cœur est à l'automne, balayé d'oranger, saignant de rouge et or, chargé d'hélium à demi envolé, s'accrochant au dernier de tes soupirs. Refaire le tour du cadran, pouvoir tout ralentir, voir à l'avance l'accident, refuser de partir, laisser la lune au présent et le feu dans le sang encore brûlant. Catherine Durand, première gelée, 17e position du palmarès francophone. Avant ça, du côté anglo, on a entendu The Darcy's. Non, oui. Oui. The Darcy's. Avec San Diego 1988, qui est une nouvelle entrée, la dernière du côté anglophone. Et du côté francophone, on a commencé avec Clo Pelgag, qui est revenu au palmarès avec une nouvelle chanson qui est Les ferrofluides fleurs. T'es sûr que c'est pas The Clo Pelgag? Ah, c'est peut-être The Clo Pelgag. Faudrait que j'aille voir. Bref, on va sauter par-dessus plein de trucs, mais ça, c'est pas pour tout de suite, parce que là, c'est la portion nouvelles entrées qu'on vient de faire. Et comme le veut la tradition, qu'on a fait deux fois à date dans Session d'automne, mais c'est pas grave, c'est la tradition pareille. C'est comme ça que ça se passe, OK? C'est de dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées. Mais on n'a pas le choix. Fleurons dans Palmer, rest in peace. Oh. Just mountains of change. Les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. C'est moins pire que tu penses. Viens faire éclore les fleurs sauvages. Je t'en méprends. Time. Depuis la période du 14 au 27 novembre 2016, on a commencé par la semaine du 14 au 20 novembre. Avec Saratoga qui plantait des fleurs avec sa pièce fleur qui restait là pendant 6 semaines. We Are Wolves a hurlé jusqu'à ce que la lune se couche. La lune se couche pas vraiment. Là. Non. C'est le soleil qui se couche. Avec Au revoir les crapules qui a duré 7 semaines. Groenlin a été distrait quelque peu avec sa pièce Distractions qui est restée là pendant 7 semaines. Mm-hmm. Toons s'est fait désaccorder avec Mind Over Matter qui a duré 8 semaines. Deluia's Says You est resté là pendant 4 semaines. Les deux Luxe est retourné en enfer avec Springtime Devil qui a duré 7 semaines. Cry a pleuré. Ah, oui. Avec sa pièce River qui est restée là pendant 7 semaines. Creef s'est noyé dans le Mississippi qui a duré 7 semaines. Okerville River est resté là pendant 7 semaines avec la pièce Industry. Ensuite, on est passé à la semaine du 21 au 27 novembre 2016 et Midi Cayenne. Clairement, ça avait la température d'aujourd'hui. Absolument, oui, s'est fait emporter par un torrent dans la pluie qui a duré 4 semaines. Clopelgag, qui était là un petit peu plus tôt, est resté au palmarès pendant 9 semaines avec la pièce Samedi soir à la violence. Mm-hmm. Gasoline a perdu la mémoire avec Ne m'oublie pas qui a duré 8 semaines. Émile Bilodeau était tanné. Il y en avait plein, son casse avec la pièce. J'en ai plein mon casque qui est resté là pendant 7 semaines. Adalia est partie sans regarder derrière elle avec Looking Back qui a duré 4 semaines. The Jessica Stewart Few est resté là pendant 4 semaines avec Easier Said Than Done. Et Bear Mountain a dégringolé de sa montagne avec Hopeful qui a duré 6 semaines. Je vais m'ennuyer de Bear Mountain. Ah oui, moi aussi. Il y a beaucoup de pièces là-dedans qui vont nous manquer pendant les prochains mois. Mais bon, on les fera jouer peut-être une fois de temps en temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est tout pour Palmarès in Peace pour la période du 14 au 27 novembre. On a résumé les deux dernières semaines et là, officiellement, on est revenu dans les temps. Oui, exactement. Génial. On retourne à nos palmarès. Cette fois-ci, on va sauter par-dessus plein de francophones. On va sauter par-dessus minimum les positions 16 à 13. Oui, exactement. Donc, on devrait sauter par-dessus Ripé, Balmoral, La Féline, aussi Elle me tue. Mais tout ça pour écouter un petit peu plus d'anglophones. Absolument. On va entendre donc pour commencer les positions 16 et 17. Commençons par la 17e qui est occupée par Groenland. Avec Times of Survival. Dans les palmarès. Au 89 FM. Thank you. tired, so tired. I let sleep, yeah, you got both eyes. It's not what you lose, it's what you gain. A clean slate for the will and intention. Cut it down to the chase. Oh, well, sound aiming right at my face. I'm weak and easily wounded. These are our times for survival, yeah. I sleep between you and me. I grieve my need to carry your feelings. Only time will tell if I'm getting being well, and nothing matters more than taking your throne. Another shitstorm pushing you to find a reason. Only knows that you're ready to explore. An ego only grows from the wounds you ignore. Nothing matters more than taking cover from. Ooh, another shitstorm pushing. Just La 16e place anglophone de Dear Left Home par The Hidden Cameras, nouvelle entrée de la semaine passée qui monte d'une place. On a aussi entendu la 15e position qui était Tunes avec Mind Your Manners. Absolument pas. Non. Groenland, qu'on a entendu au début. T'as bien raison, c'est Groenland avec Times of Survival. J'étais plus certain moi-même. C'est mais pas non, t'as raison. Alors, on reste côté anglophone pour le prochain bloc. Et comme voilà. On l'a dit, le francophone, on saute ça parce qu'elles sont vieilles. Donc, on va sauter par-dessus les 14 et 13 francophones, n'est-ce pas? Oui, exact. On va sauter par-dessus Ripé avec Manque de respect et aussi Elle me tue tous les chemins mène à Rome. Mm-hmm, mais pour l'instant, on écoute donc Cry plus tard. Mais on débute avec Tunes, que tu viens de mentionner juste là. Oui. Mind Your Manners qui monte d'une place. Exactement. On écoute ça. Immédiatement. Ouais, là, là. Comme là, là. Genre maintenant. Close to, had a heart to go. to mind your manners, and you turned out very nice. It didn't prepare you for life. We'll be right back. Roy avec la pièce Bones qui monte d'une place, nouvelle entrée de la semaine passée en anglophone. Et on a commencé tout ça avec Tunes et Mind Your Manners. Eh oui, j'ai dit tantôt et plusieurs fois d'ailleurs qu'on allait sauter par-dessus tout ce qui est francophone. Eh bien, on va continuer comme ça parce qu'on a de la place pour entendre trois pièces anglophones les plus récentes. Donc, on va sauter par-dessus les 13, 12 et 11 francophones. Oui, exactement. On va sauter par-dessus, comme je le disais tout à l'heure, Elle me tue avec Tous les chemins mènent à Rome. On va aussi sauter par-dessus Lydia Kepinski avec Apprendre à mentir. Et on saute par-dessus chacun de nos pas du groupe Les Passagers. On n'écoute pas grand-chose de ton bord. Non, parce qu'elles sont quand même relativement plus vieilles que ceux du côté anglophone. Tu as tout compris en francophone? Non, en anglophone, oui. Les pièces datent d'il y a 2-3 semaines, gros max. Donc plus tard, il y aura Royal Canoe qui est là depuis 3. Même chose pour nous, Monomyth, mais on commence en 13e place. Il est là depuis 2 semaines. Ça a monté d'une place. C'est We Are Wolves. Avec I Don't Mind. Au palmarès, c'est fou. Sur C'est fou 89.fm. Bah, où est-ce que ça serait sinon? Hein, non, je sais bien pas. Bye. Les claps. Je te donne. T'as le droit de le dire. Il y avait tellement d'autotune ouais. là-dedans. Hein. C'est assez drôle. Mais j'aime bien. C'était Bicycle par Royal Canoe, position numéro 11 anglophone qui monte de une. Du côté anglophone aussi, on a entendu la 12e position qui était Aloha de Monomyth qui, elle, a descendu d'une position depuis la semaine dernière. On va arrêter de sauter de francophone dans la deuxième heure. Ne vous en faites pas, on va avoir plein d'anglos, plein de francophones. Oui. On va faire ça 50-50 pas mal. On a aussi dans la deuxième heure le segment C'était fou qui s'en vient plus tard. Oh my God. Le retour de C'était fou, je sais, ça fait un bon moment. Bref, tout ça et les positions 10 à 6 au retour. On va parler à C'est fou. Ah, C'est fou 89 FM. Oui. Alors, c'est fou pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plonk. Oui, c'est la deuxième heure, la portion top 10 de l'émission. Ah, wow! Déjà? Oui, c'est le milieu creux de oui. la semaine. C'est l'affaire où les pièces ont bougé un peu, mais ouais. c'est pas aussi important que les nouvelles entrées, c'est pas aussi important que le top. Exactement. C'est le milieu. Mais pour compenser pour ça, on a C'était fou, où on va retourner dans le passé, cette fois-ci en 2007. Oh, d'accord. Oui, très bon stock dans 2007, vous allez voir. Mais pour l'instant, on commence en position numéro 10. Donc, en anglophone, il y aura Lisa Leblanc et Ace of Spades qui descendent de deux places. Et du côté francophone, eh bien, on va aller entendre Antoine Corriveau avec Rendez-vous qui, elle, descend d'une position depuis la semaine dernière. Et ça se passe dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM. Je ne serai pas heureux. C'est mon corps au complet qui va s'arrêter. Assommé par le bruit des bêtes qui beuglent, des faux exposés sous les néons qui m'aveuglent. Mais c'est que c'est une autre vie qui commence ici. Mais dites-moi, ce cimetière que vous fuyez, racontez-moi toutes ces bombes qui ont sauté. Oh, touch you. Now that I can breathe, I can sigh to you. Swallow up the sins that will hide you. Now that I can see, I can find you. Follow everything's right beside you. Now that I can breathe, I can sigh to you. Swallow up the sins that will hide you. Charlotte Wilson et Find You descend de 3 places en 9e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on a entendu Mauve avec J'ai tout essayé. Et avant ça, toujours dans ce premier bloc de la 2e heure, on avait Lisa Leblanc avec Ace of Spades qui sort de 2 places 7e semaine de présence. Du côté francophone, on est allé entendre Antoine Corriveau avec Rendez-vous. Un gros bloc. Ben oui. De 4 pièces, ça a duré longtemps. Ouais, mais quand même. Mais c'est très bon. On adore toujours ça. Très bon. Le prochain va être quand même long aussi, mais composé de pièces longues. La prochaine qu'on va entendre... Attends un peu. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien ça. Exactement. La prochaine en anglophone, c'est The Pretty Reckless avec Oh My God qui monte de 12 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. C'est celle qui a monté le plus dans le palmarès parmi nos nombreuses nouvelles entrées la semaine passée. Oh, c'est vrai. Et du côté francophone, on va aller entendre une pièce qui, elle, a descendu de 5 positions depuis la semaine dernière. C'est Pour le mal, pour l'amour, pour le mieux. Voici les Hey Babies. Les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Si tu ne m'avais jamais dit que tu m'aimais, je m'aurais pris pour une fois. La dernière fois que j'ai tourné de bord au milieu d'une tournée, je me sentais si molle. En me rappelant, je me suis rappelé que tu t'inquiètes toujours malgré les noms que tu m'as donné. Donner tes deux scènes quand les miennes nous ont jamais rien. Porter Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! 8. Avec la pièce Oh My God, position numéro 8 qui monte de 12 positions depuis la semaine passée où c'était une nouvelle entrée. Et on l'a dit tout à l'heure, du côté francophone, ça l'a descendu de 5 positions depuis la semaine dernière. C'était Pour le mal, pour l'amour, pour le mieux, des Hey Babies. Parlant de la pièce, tu me disais qu'on est qu'on ressemble aux 5 personnes avec lesquelles on se tient le plus. Oui, exactement. Selon un article que tu as trouvé. On pourrait dire la même chose sur la musique. Oui. On dit déjà la nourriture, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Oui, exactement. Ouais. Donc dis-moi qu'est-ce que tu écoutes, je vais te dire si on veut de toi comme auditeur, c'est fou. Hein? C'est vrai. C'est un slogan. Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai si tu devrais écouter. C'est ça, si tu devrais écouter. C'est excellent, ce nouveau slogan. Génial. Position numéro 7 qu'on est rendu du côté anglophone, c'est Pop avec Can't Win qui monte de 3 places. Du côté francophone, on monte de 12 positions pour On a créé un monstre avec Rencontre surprise. Et juste après ça, restez là, ça va être C'était fou, le segment où on retourne en arrière en 2007 cette fois-ci. Sol, la tête. 7. De 3 places pour Can't Win par Pop, maintenant 7e anglophone. Montée de 12 positions du côté francophone, rencontre surprise, on a créé un monstre. Ah! Surprise, ah! Avant de passer à Juste Robert et Dearly Beloved en position numéro 6, c'est le moment de retourner en arrière. Voici C'était fou! Cette fois, on recule à la semaine du 7 au 13 décembre 2007. Tu nages dans l'eau de l'air comme un nid.

C'était le bloc C'était fou pour la semaine du 7 au 13 décembre 2007. On vient d'entendre Hot Springs avec Fantôme Dinosaure sur leur album Volcano. Une pièce bonus avant ça, on a entendu les numéros 1 franco et anglo. Donc, dans le milieu, The Go Team avec Grip Like a Vice sur l'album Proof of Youth. The Go Team qu'on reconnaît, entre autres, pour la chanson d'introduction de la chronique Sex, mais ça devrait répondre là. Mais oui! Mais oui. Au début du bloc, El Motor avec Hippocampe sur l'album El Motor. Ailleurs, dans cette même semaine du 7 au 13 décembre 2007, on avait aussi... Gatineau, hein? On avait Tricot Machine, on avait Dragonette, Steve Hill, Coheed and Cambria, Stars et encore Steve Hill. Deux fois dans la même semaine. Deux fois? Wow! En feu? Oui, retrouvez la page PDF des palmarès de la scène du 7 décembre 2007 sur assemblagerequis.com. Voilà pour C'était fou. On fait ça vraiment quand ça donne. Maintenant, on retourne où on était rendu, c'est-à-dire les numéros 6. On a le temps de les entendre. Du côté anglophone, ce sera Dearly Beloved avec I Tried to Leave qui monte de la 19e place. Et du côté francophone, on a monté d'une seule position depuis la semaine dernière. C'est juste Robert avec L'Embâcle. Dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM! Loin d'au pied de l'escalier, yo! La roche mère sous sa maison, près de l'aubrivière, il y a la vie, et il y a ta vie, et près de l'aubrivière, il y a ton corps. Ça I Tried to Leave par Dearly Beloved, position numéro 6 qui monte de la 19e nouvelle entrée de la semaine passée. Et du côté francophone, c'était l'embâcle de Juste Robert qui, comme la semaine dernière, on vient de le dire, a monté de seulement une position. Voilà. C'est la fin de la deuxième heure. Il en reste une troisième, une dernière, le tiers de l'émission qui nous reste. Et à venir, on va savoir si le numéro 1 anglo est toujours de Pack AD. Et ouh, en franco, chocolat. Exactement, avec un, ouais. Ah ouais. Au retour, au palmarès, c'est fou. C'est la dernière heure des palmarès Cifou pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Dernière heure dans laquelle on va entendre bien sûr les positions 5 à 1. On l'a dit tantôt, le numéro 1 anglophone de la semaine passée, c'était de Pack Ailey avec So What. On sait que c'est encore dans le palmarès, mais où est-ce que ça se situe? Et en francophone, Chocolat avec En Ouin. Aussi depuis 4 semaines, ces pièces se suivent. Mm. Est-ce qu'elles sont à la même position cette semaine? On sait pas encore. Peut-être. Peut-être. Peut-être pas, mais surtout peut-être. Peut-être. Donc, on va commencer notre troisième heure par les positions numéro 5. En anglophone, c'est Opeth qui descend de deux avec Will of the Wisp. Et du côté canadien. Ben du ouais. côté francophone, ah ouais. ouais. On s'en va écouter Tab. Marge sort de ce corps. Tabac indien de KNLO. Qu'est-ce de fumée, justement? J'en ai aucune idée, Mathieu. Je te l'ai dit que j'avais des problèmes de palais depuis tant de temps. Allez, à Kanawha, Kachar, le Montau, hein? Hey, le gars, il doit sauver vraiment beaucoup de temps en disant Tawa indien à la place de Tawa indien. Tawa indien, Tawa indien. En articulant pas, t'as pas besoin de te forcer, tu sais. C'est probablement ce qu'il a voulu faire. On va l'écouter. Quand on écoute ça. Le voici en train de marcher ses mots. Au palmarès, c'est fou. C'est fou, 89 FM. Ah ouais. C'est pas nous autres, ça, c'est vrai dans la chanson. Yep. Ok, là. Walk it, get mon tabac indien. Back at Canada, walk it, get mon tabac indien. Check me, don't stick it back at Canada, walk it, get mon tabac indien. Back at Canada, walk it, get mon tabac indien. On bouge pour une révolution, mais grosse puffin. Au cégep, j'pense toutes mes profs de philo puffin. Comme les 70s, que ben serait ton soviet. Ben caché sur le backseat, cache en dessous d'une serviette. Go ask Guest en bar et go ask Jeffrey Kelly. About les politiques, oubliez jamais la télé. Les prix on stagne, c'est pas comme Sega au vidéo, oui. Back, ça m'arrive le temps de 48 et oh, oui. Juste passe ta dent et en pique, moi jamais revenir. I'm camé avec des fleurs en cristaux pis un slowie. C'est un détail, j'pas d'arge noé pour me sauver. Back at Canada, walk it, au moins j'ai pas snowy. Feuille de riz, la morte à verre dans pis de tabac. Donne le rire facile comme un Saint-Louis, tu ah. Merci la vie de pire, but j'suis steady smoker. Ça c'est un pour la cigarette, le reste trop pas. Back at Canada, walk it, get mon cowa ainsi. Back at Canada, walk it, get mon cowa ainsi. Back at Canada, walk it, get mon cowa ainsi. Pas d'inflation, les prix ont juste l'air de baisser. Mon skip ben raide, le trafic du pont Jean-Cartier. Prochaine paye dans prochaine heure, prochaine sortie. Ainsin comme le tower, ainsin même pas ainsin. Blanchi comme la farine, l'histoire pas pérince. J't'en garde contre la club comme mon vieux patin léché. Hola, sola, chili, ça c'est le bel adlecci. On la voit lactée, petite casse même pas le bissé. Bienvenue aux Anunnaki, il faut pas freak out, listen. J'peux pas prendre ça pour ce cash, même si tu show love. Être trois quarts des young bloods dans mon hood, on se flow love. Alright. Okay. Old can hook. New can hook. Alright. Back at Canada, walk it. qui montava ainsi. Check me donc, c'est qui back and can I walk it? Tawa, tawa, easy. On one. Akila. Back and can I walk it? Give me tawa, easy. Back and can I walk it? Check, check, check me donc, c'est qui back and kiss on, kiss, kiss on tawa, easy. Check me donc, c'est qui back and yo, can I walk it? Yo, yo, when y'all laugh about it, you like more? When you're tired of waiting, when time is not on your side, when you're tired of hating me, you no longer want to hide. You're stuck to the failures of your life, marred with the sorrows of your stride. When time waits for no one, it heals and when you die, when soon you are forgotten, whisper with existe en notre intérieur. Des mondes parallèles sans loi, sans aucune frontière. Ces mondes m'appellent. Overconfidence encompasses. Un autre traditionnel bloc de 4 pour commencer cette troisième heure. On va entendre Preoccupations avec Anxiety qui monte de 4 de une place, oui, en quatrième anglophone. Du côté francophone, on a entendu Bardo avec Au-delà qui, elle, a monté d'une position. Avançant, cinquième anglophone, Opeth avec Will of the Wisp qui descend de 2 places. Et du côté francophone, on a monté de 7 positions depuis la semaine dernière. En cinquième, c'était Tabac Indien avec KNLO. Ouais, Tawa Indien. Tawa Indien. C'est comme ça qu'ils chantent, hein? Vraiment. On est désolé. C'est des pièces qui sont moyennement vieilles, sauf pour Opeth qui, depuis 8 semaines, elle est très, très vieille, celle-là. Maintenant, on est rendu en position numéro 3 et je regarde ça et les deux que je sais qui se suivaient tantôt, elles se sont suivies de la première à la troisième. Oh! Ah ouais! Du côté anglophone, c'est l'ancien numéro 1, So What, par The Pack 80. Et du côté francophone, l'ancien numéro 1, Ah ouais, de chocolat. On l'aime bien juste pour dire le nom. Tellement, j'espère qu'elle va rester là longtemps. Ah ouais! Ah ouais! Hein, c'est des palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM! 89.1 FM! Yeah. c'est bizarre, mais je l'avais même pas remarqué la semaine passée que nos deux pièces A1 pis So What, qui veut dire comme ouin pis, sont ensemble en troisième place. Hey, c'est vrai! A1 pis So What. Donc, c'était So What par The Pack 80, lancé numéro 1 anglophone, maintenant en troisième place. Et vous l'aurez deviné, en troisième position francophone, c'était Ah ouin! De so chocolat. Ah ouin! So What! Y'en a pas de problème, rien. Y'en a jamais de problème, hein? Aucun problème! Aucun problème! À la radio, tout va bien! Pour ce numéro 2, non, ça va super bien pour vrai, là. Mais vous dans nos pas. Vies professionnelles, c'est merveilleux. Dans nos vies professionnelles. Vie personnelle, mais... Tout va bien. C'est dans nos vies personnelles. On s'en reparlera tout à l'heure. Bref, pour ce numéro 2, ça monte de deux places, c'est Duchess 16 avec I Repeat Myself. Et du côté francophone, eh bien, on a fait un saut de 18 positions depuis la semaine dernière. Je parle de désastre de les Dells. Howard Chalk. Ouais, les Dales Astres. C'est ça. C'est un Dales Astres. Vous allez voir, ça rock. Oh yeah, pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Try Repeat Myself par Duchess. C'est la position numéro 2 anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, c'était les Dells. Howard Chuck, ça l'a rocké avec Désastre en deuxième francophone. Ok, oui. Maintenant, j'avais complètement oublié de préparer ça, mais c'est pas grave. On est très bon pour improviser. Pour improviser, c'est assez fou. Donc, voici la section Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. J'oublie tout le temps d'en chanter une. Wow! Ailleurs dans les palmarès, c'est la chronique dans laquelle on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ah, oh, ouais! Wow! Oh, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 anglophone et un top 20 francophone. C'est aussi un top 3 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud. On a tout ça pour vous et bien plus. Donc, commençons par le top 30 des albums. En nouvelles entrées, la même chose que dans les palmarès anglophones. Donc, en 19e, The Toffees avec un single. En 18e, Elephant Stone avec Ship of Fools. Et en 17e, c'est l'album Centerfold par The Darcys. Et le top 3 en 3e position, c'est Preoccupations de l'album Preoccupations. Sont originaux. Hein? En 2e, c'est The Pack AD avec Positive Thinking. Et en 1e position, Duchess Says avec l'album Science. Science nouvelle. Science nouvelle. Ouais. Cool. Ensuite, dans le top 3 des disques canadiens, c'est la même chose que le top 3, donc Preoccupations, The Pack AD et Duchess Says. Dans le top 10 loud, 10e place, nouvelle entrée pour l'artiste Vader avec l'album The Empire. Et en 8e, c'est l'album The Duke, en fait c'est un single de Lamb of God. Et du côté du top 3, en 3e position, c'est Opeth avec Sorceress. En 2e position, Incense avec Voice of the Void. Et en 1e, c'est Epica avec The Holographic Principle. Oui. Donc voilà, ça c'est le survol de ce qui se passe à l'heure des palmarès. J'étais en train d'essayer de vous trouver une pièce à vous faire jouer dans le top 30 des albums. Je ne me rappelle pas avoir entendu une pièce de Duo Tang. Moi non. Donc c'est un groupe de Winnipeg, apparemment de mod rock, à deux personnes, Duo Tang, le nouvel album With New Occupation est maintenant disponible sur Stomp Records et on s'en va entendre un extrait de cet album-là. Voici Karma Needs to Come Around tout de suite. C'est dans la section Ailleurs dans les palmarès. Dans les palmarès, c'est fou. 89. C'est ça. Oups. Ah voilà. I guess it makes you feel stronger or more masculine. The brash and you're loud, but you think it's okay to do near anything you want so long you get your way. You take it all too far. Karma will soon come around. You take it all too far. Karma will soon come around. Backs with your head held high. You think the family's accomplishments do you apply. You lie and you cheat and you bully and scold and carry on like a spoiled 12-year-old. You take it all too far. Karma will soon come around. And it's gone on for too long. Karma will soon come around. Face it with the razor sharp wit, put you in your place. But the real world is Duo Tang avec Karma Needs to Come Around. C'est sur l'album New Occupation qui est en position numéro 26 du top 30 des albums dans la section ailleurs dans les palmarès. J'étais en train de vous parler un petit peu tantôt de Duo Tang. Duo donc qui date de 1995 à l'été 95, oui. Et ils ont eu beaucoup de succès à ce moment-là pendant les 5 années qui ont suivi avec 3 albums. Après ça, ils ont pris une pause en 2002, une pause qui a duré 12 ans. En décembre 2014, à la demande de Mint Records, ils se sont réunis pour un spectacle à Vancouver. Et après ça, ben, crime, ils ont repris du poil de la bête, si on veut. Et puis, ils ont recommencé à faire la musique 15 ans après leur dernier album. Et ça s'appelle New Occupation, sorti en octobre 2016 sur Stomp Records de Montréal. Voilà, Karma Needs to Come Around, c'est le nom de la pièce. Et New Occupation, le nom de l'album. Maintenant, il nous reste seulement les positions numéro 1. Mm-hmm. Ouais, position numéro 1 veut dire jeu de mots poche. Ooh. Peu importe, hein, si vous nous écoutez en direct le mardi, en rappel le vendredi, en rappel le samedi après-midi, le reste de la semaine, il va falloir écouter les balados de diffusion. Que voulez-vous? Parce que tous les jours, on a besoin de jeux de mots poche, des palmarès, c'est fou. Il y en a tellement peu dans la semaine qu'il faut, faut se concentrer, il faut les apprécier, il faut se les mettre dans l'oreille pour bien les comprendre. C'est quasiment comme une avalanche, comme une hose. Des fois, qui s'en revient comme d'un coup sec. Tellement c'est puissant, les jeux de mots. Oui. Comme une hose dans ta face. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Tellement que tu deviens comme. Tu viens tout galé, tout rouge dans la face. Ou sinon, tu deviens tout gris des cheveux. Un peu ben comme. Oui. Comme Chevy Chase, l'acteur populaire. Mm-hmm. Tu comprends? Celui qui était au centre de. Pas de désintox. Au centre de la. Comment dire? Au centre de la distribution des films de National Lampoon. C'est là? À Noël, ben oui. On écoute tout le temps. C'est quoi le sapin à des boules? Ben oui. Chevy Chase est là-dedans. Oui. Au centre de ça. C'est au centre de ça. Puis c'est ça, le reste, il n'y a vraiment rien à faire avec Tania Tagak, on va se le dire. Non, je sais. Comme j'ai le mot Tania Tagak, attends un peu. Attention à ce que tu dis avec Tania, toi. Oui, c'est ça. Tagag, hein? Comme ton gag. Comme ton gag, ouais, ça vire vraiment en rond aujourd'hui. Mais bon, que veux-tu? Tu peux prendre ta revanche sur moi si t'en as des meilleurs, hein? Si tu veux convaincre le public que tu as un meilleur humour que moi et prendre ta revanche, ta rétribution sera terrible. Mm-hmm. Ouais. C'est vraiment la pire semaine de jeu. Ouais, vraiment. Il n'y a aucune inspiration. Non, je sais. Ouais. Je me souviens même plus comment t'as commencé ton jeu de mots. J'ai parlé des jours de la semaine avec les rediffusions. Oui, exactement, parce que si vous nous écoutez en rediffusion, on est probablement mercredi. C'est le seul jour où il n'y a pas vraiment de palmarès. Non, c'est pas vrai. Non. Il y en a beaucoup des jours qui n'ont pas de palmarès. Ouais. Ouais. Mais des jours où il n'y a pas de toi et moi, il y a c'est seulement rare. Le dimanche, je crois. Oui. Je pense que c'est seulement le dimanche. Non, moi, en théorie, je suis en rediffusion le dimanche, je pense. C'est certain. Ah, ça se peut. Me semble. Ça se peut. On connaît bien notre horaire. Il n'y a pas les rediffusions de Tania Baudin, attends un peu. Mais... Non, t'es le samedi, donc il n'y a vraiment aucun, okay. Ni Mathieu Plante, ni Tania Baudin, le dimanche. Zéro. Ah, c'est notre seul jour de congé. Oui, le reste du temps, on est tout le temps là. Exactement. Donc, du côté francophone, en première position la semaine dernière, ils étaient en deuxième position du top 20 francophone. C'est mercredi de Rouge Pompier. Tu sais, parce que tu veux, ça se peut que t'ailles le visage tout rouge, puis... ça se peut qu'il se passe bien des affaires. Ça en passe des choses. Puis hein? Si t'as déjà écouté le sapin des boules. Ouais, c'est vrai. T'as vu Chevy Chase parce que l'album c'est Chevy Chase. Voilà. Ça voilà. A du sens quand même. J'aurais pu faire des jeux de mots de La Famille Adams avec Mercredi. Oui, t'as raison. Mais ça m'a sauté. Ça t'a égaré. Ça t'a échappé, c'est voilà. Ça, voilà. Et Chevy Chase se retrouve au centre du film Le sapin a des boules. Ouais. Parce que la première position du top 20 anglophone, c'est Center ou Centre, tout dépendant. Mais d'après moi, c'est Center de Tania Tagag. Pas de gag à faire avec ça. Ta gag. Qu'est-ce que tu veux? Rien, non. Là, ça veut dire ta gueule maintenant. On pourrait dire ta gag. Là, exactement. Et c'est le featuring de Shad. Là, j'aurais pu faire des jeux de mots avec Shad. Oui, c'est vrai. Mais, tu sais. Hein. Comme quoi? J'adore fort. J'adore fort. de l'album Retribution. Voilà, c'est tout. C'est tout parce c'est que c'est pas notre meilleure semaine des jeux de mots plates à Mathieu. C'est pas grave, on va s'en remettre. La semaine prochaine, on va faire mieux comme toujours. Hein? Tout le temps, on essaie toujours de s'améliorer, voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on devient des grandes personnes. Ah oui, des en adultes. En s'assumant. Hashtag adulting. Adulting. Voilà. Rouge pompier, mercredi tout de suite. Des fois t'as l'air intéressé, des fois t'as l'air de t'amuser, des fois tu me regardes croche, des traces de bouffe d'en face. C'est-tu parce que t'es conne que tu catches pas mes farces? Je sais que t'as juste 3 ans et demi.

cover the earth. Entering the essence of a birth. Remember to remember as you enter in reverse. To the center of the center of the center of the dot and disperse. Dust in the wind till we're dust in the earth. Dot, dot, dot. Dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot. C'était les positions numéro 1 pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016. On vient entendre Tania Tegak featuring Shad, même si on dirait plus que c'est Shad featuring Tania Tegak, avec Sanjo qui monte d'une place. C'était la cinquième la semaine passée. Et du côté francophone, eh bien, la première position, c'était Mercredi de Rouge Plombier de l'album Chevy Chase. C'était son prénom, Mercredi, oui. Leur chanson. Ben oui. Ben oui. Elle a juste 3 ans et demi. Oui. Puis il est pas aussi bon que Docteur Dougie. Voilà. Puis il a fait chier tout le monde, c'est exactement. Voilà, c'était pour les palmarès assez fous de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve mardi prochain entre 14h et 17h, toujours en direct. Après nous, à 19h, c'est Réanimation, émission de métal et d'horreur. On passe le vendredi à 17h après nous. C'est aussi Réanimation, suivi de Matière Noire. Et finalement, les samedis entre midi et 15h après nous. Dépendant de comment Tania se sent, ça pourrait être Tania en nom à ce moment-là, mais peut-être pas. Quand? En rappel. Si tu fais l'émission demain. Peut-être. On verra. On sait pas peut-être encore. Peut-être cette semaine. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être pas. On sait pas, On vous dit... Parce que pour ceux qui savent, j'ai annoncé la semaine dernière que c'était la dernière d'En Piste avec Tania Baudin. T'es en train de travailler un petit projet pour remplacer ça. On va voir si ça fonctionne. J'ai bien hâte de savoir ce que ça veut dire tout ça. Ouh. Vraiment. Ça va. C'est fois-ci pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. Et on se quitte avec une pièce qu'on a sautée tantôt, c'est celle de Balmoral en position numéro 15. On parle de Vertige. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye. La route sans détour, l'attente est terminée. Nous acquiesçons l'amour.